À une enfant taciturne, d'Auguste Villiers de l'Isle-Adam, enregistré pour LibriVox.org. J'ai perdu la forêt, la plaine, et les frais avrés d'autrefois. Donne tes lèvres, leur haleine, ce sera le souffle des bois. J'ai perdu l'océan morose, son deuil, ses vagues, ses échos. Dis-moi n'importe quelle chose, ce sera la rumeur des flots. Sans repos, sans ombre amicale, front lourd sous le soleil, je fuis. Oh, cache-moi dans ton sein pâle. Ce sera le calme des nuits. Fin du poème, enregistré par Darou. Cet enregistrement fait partie du domaine public.